Dans l'épisode précédent... En pariant sur leur cheval outsider et en prenant soin de truquer la course, les millions de dollars pleuvent dans le portefeuille des Cardos. Avec une cote désastreuse, notre victoire au tiercé fait pleuvoir sur la famille les millions tellement attendus. Le patriarche commence alors complètement à sombrer dans la folie. Il n'a qu'une obsession, construire un palais pour asseoir son pouvoir. Je veux un jardin à la française, avec des palmiers et une statue à notre gloire, dominant la baie de Damon Vegas. Une statue en or massif! En faisant cela, il néglige complètement Mark, son fils malade, qui s'est pourtant sacrifié jadis physiquement pour la famille. Je me suis vidé en quatre pour notre famille, et toi tu ne ferais rien pour moi. Voici le 10e épisode de votre série Damon Vegas, épisode intitulé L'eau de Bouzac. Papa, t'as encore laissé ton portable sur vibreur? Mais non, ça vient de dehors, quelle heure il est? Il est 6h10, je veux dormir. Je vais voir ce qui se passe. Monsieur Corleone. Ah, Monsieur Cardo, vous êtes réveillé. Le rose vous va, ravi. Je n'ai plus de pyjama et comme nous n'avons plus de machine à laver dans la tente, j'ai mis ce que j'ai trouvé. Ne vous en faites pas, moi-même j'ai dors en toutou parfois. C'est très agréable. Mais qu'est-ce que vous faites ici si tôt? Les travaux d'installation. Nous tenons à respecter les délais. Notre renommée est en jeu. Et dès demain, vous aurez votre palais. Ah, très bien. Et fini le camping pour vous. D'autant que ça ne fait pas très sérieux à Damon Vegas. Vous êtes malade? Une petite toux, ce n'est rien. Oh non, tu t'es encore laissé aller. Tu sais bien que je ne peux pas me retenir. Tu vas finir par te noyer dans ton incontinence. Viens nettoyer au lieu de dire des bêtises. Je ne suis pas ta bonne. Oui, mais c'est papa qui t'a dit de le faire d'abord. Espèce de rapporteur. Marc, que se passe-t-il, Marc? Ça va? Tu sais bien qu'il ne faut pas m'énerver. Mon cœur pourrait s'arrêter d'une seconde à l'autre. Je ne peux plus faire l'amour. C'est pas pour dire du mal, mais dans ton état, plus personne ne voudrait de toi. Que se passe-t-il ici? C'est Marc, il va mourir. Personne ne mourra dans cette tente. Mais je me sens moi-même un peu patraque. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Monsieur Cardo, Monsieur Cardo. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons fait une découverte, un trésor. Un trésor? Une mine de diamants? Du pétrole? De l'eau. Oh, écoutez, c'est pas grave, on installera une fontaine. Ça fera très bien avec les nains de jardin en marbre. Vous savez, l'eau est assez rare à Damon Vegas. Si elle est potable, vous pourriez la commercialiser. Mes espoirs dans de l'eau, vous rigolez? Je vais quand même aller voir la source. Faudrait pas que la maison soit humide à cause d'elle. Ne flanche pas, Marc, tiens le coup. J'en peux plus. Laisse-moi mourir en paix. Ne dis pas ça. On a besoin de toi, pense un peu à nous. Vous vous êtes servi de moi. Et regarde ce que je suis devenu. Un homme sans organes. C'est comme une pomme sans pépins, un légume sans saveur. C'est vrai que tu n'es pas beau à voir. Mais quand nous serons riches, tu retrouveras l'apparence d'un Cardo. C'est trop tard. Je vis mes dernières minutes sous le soleil de la déchéance. Regardez, c'est la source, Monsieur Cardo. Un vrai geyser. Je vais la goûter. Elle a plutôt bon goût. Pas mal du tout. Un petit goût citronné. Mais c'est incroyable. Je me sens mieux. Je n'ai plus mal à la gorge, je n'ai plus envie de tousser. Les anciens indiens prétendent que cette falaise est magique. Papa, papa, vite, vite, c'est Marc, il est en train de mourir. J'arrive. Attends, j'ai peut-être une idée. Amène ton frère ici. Mais je peux pas le toucher à cause de ses problèmes rénaux, il empêche l'urée. Ton frère, Paul, dépêche-toi! Si seulement j'ai raison, je pourrais sauver Marc. Mais nous pouvons aussi être riches! Allez, viens, Marc, papa est juste là! Écoute-moi, Marc, cette source d'eau est magique. J'en ai bu un verre et mon rhume a disparu. Disparu. Ouh, elle est froide! Je sais, mais ça va marcher, tu vas voir! Tu vas t'y baigner et en boire. Oh, oh, mon ventre, il me brûle. Marc? Oui. Je sens la vie revenir en moi. Comme si mes organes repoussaient de l'intérieur. Je me sens bien. Je vibère. je vis. Et moi, je suis riche. Riche.